cette vie nous ressemble. Elle va où bon lui semble, comme un fleuve qui se perd dans les silences, dans la mer. Cette vie qui nous rassemble, c'est une flamme qui tremble, un baiser la ranime, et c'est un souffle qui l'éteint. Dans les silences, dans la mer.